Chauffer aujourd'hui, sur une telle machine à vapeur, doit être ensorcelant, un vrai bonheur, un plaisir indicible de faire du gaz sur ce témoin des jours enfuis. Elle était immobile, et pourtant son cœur battait lentement au rythme du compresseur. De son timbre cadencé et de quelques odeurs, elle faisait revivre pour nous des temps oubliés. De bonne heure, sur ce quai enfumé, il y avait certainement plus d'un homme à demi étranglé par une gorge serrée qui le rendait incapable de sortir un mot. Dans les années 60, la traction vapeur, déjà bien mal en point, allait mourir, puis disparaître pour laisser la place au diesel et à l'électricité qui arrivaient en force sur quelques grandes destinations. Les 141R n'eurent bientôt plus de mécaniciens titulaires et souffrirent du manque d'entretien occasionné par un service dit en banalité, sans parler des visites de plus en plus espacées par mesure d'économie sur le matériel vieillissant. Leur état se dégrada rapidement, au point qu'elles avaient souvent des difficultés pour tirer les trains lourds de plus en plus longs avec des équipes formées la veille. Ce fut le début de la débâcle, le naufrage et la fin de la vapeur au chemin de fer. À l'époque, on reconnaissait le métier du compagnon à sa connaissance du trajet. Un feu bien garni, suffisamment d'eau dans le tube et une chaudière au timbre au bas d'une côte, arrangeant bien les choses. C'était un plaisir de monter la queue en trompette.